D'accord, ouais, fin ok, là, d'après-midi, du ça me coup. va. Hein. Et encore, ouais, fin d'après-midi, il faut que je recherche la voiture. Ça va être chiant parce que je sais pas avec la voiture quand elle va être libre. Parce que j'attends que le Bon, garage me rappelle non, mais pour la chercher, ça quoi. va. Et comme le Moi, je garage est trouve super bien à... déjà le fait d'avoir les grilles, là, comme tu les as renvoyées. Ça me permet quand même de dégrossir le sujet. Hein? Ouais, c'est sûr, hein, c'est Ah ouais, sûr, c'est déjà là, vachement ouais. bien. Hein. Franchement, c'est vachement bien. Ça devrait effectivement. Ouais. Et puis après, effectivement, si tu veux travailler des trucs, moi je travaille beaucoup en direct sur les Mais originaux, quoi. d'ailleurs, dis-moi, là j'ai récupéré quelques versions que tu avais envoyées. Moi, ce qui peut m'intéresser également, c'est. Toi, tu les as mis sous Irreal Pro, les Ouais. trucs là. Hein? Tes partitions, Tu tu parles les de as quoi? sorties depuis Irreal Pro. Tu parles de quoi? Attends, je suis pas sûr de. Ouais, de Irreal Pro, Bah, ouais, si toutes les tu me les partitions, ouais, envoies j'ai au tout mis sur format quoi. Irreal Pro, là, Bah, c'est pour ça que je HTML, peux les je les balancer en chargerai info, dans en ma plus, c'est machine, pratique. comme ça. Ouais, ça s'est fait en 2-3 mouvements, là, Ouais, comme je ça, je les t'envoie tout chargerai dans en IRL. Irreal Toi, Pro, tu moi les veux en aussi. IRL maintenant? Comme tu les voulais en PDF, c'est pour ça. Non, mais au départ, c'est parce que Ouais, quand on ça était allé à marche. la répète, je Je voulais les fais ça avoir tout de suite, comme imprimés, ça mais j'oublie. je ne savais pas qu'on pouvait les charger dans Irreal Pro, à Et pour vrai les dire. imprimer, quoi. Mais maintenant que je le sais, c'est parfait. Après, je me les sortirai en PDF. Hein, d'accord? Mais il n'y a pas d'urgence, hein, Pierre. Tu le fais quand tu as le Ouais, on temps. fait Hein. comme ça, ouais, je t'envoie ça. Non, mais après je vais le faire, après j'oublierai. Parce Ok. que c'est 3 secondes, Ok, ça, c'est ok. aucun souci. Ciao, toi Allez, bonne aussi. soirée du coup. À Bonne bientôt. soirée. Ouais, ciao, Pierre. Allez, à Ciao. bientôt. Bye bye. Ouais, On s'appelle d'accord. demain pour voir comment ça marche. Bye.